Exercice 3, page 91. A. O. On. B. Beau. Bon. C. Faux. Fond. D. Saut. Son. E. Mot. Mon. F. Vaut. Vont.